Une personne en communion avec Jésus-Christ ne peut pas se contenter ni être satisfaite de futilité et de banalité. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. L'Église du Seigneur fait face à un adversaire dangereux. Il ne provient pas des milieux politiques ni de la société qui ignore la vérité, et ce n'est pas un attaquant ouvertement hostile à l'Église. Quoique n'importe lequel de ses adversaires puisse être une épreuve pour l'Église, le plus grand danger se trouve dans le cœur des croyants. Aujourd'hui, Charles Stanley nous avertit du danger de l'indifférence. Soyons prudents, car lorsque nous nous préoccupons d'abord de nos besoins et de nos désirs, notre efficacité pour propager l'Évangile diminue. Sur quoi focalisez-vous aujourd'hui? Sur votre service pour le Seigneur Jésus ou strictement sur vous? Évaluez votre attitude alors que Charles Stanley nous parle du piège du contentement de soi. Ouvrez votre Bible à la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 8. L'apôtre Paul traite de l'indifférence dans l'Église du Seigneur Jésus et dans la vie des croyants individuels. Lisons. « Déjà vous êtes rassasiés. Déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Paul a éprouvé plus de difficultés avec l'Église de Corinthe qu'avec toute autre Église où il a exercé un ministère. Les chrétiens de Corinthe étaient orgueilleux, fiers et arrogants. En fait, ils avaient une attitude de suffisance en ce qui concerne leur relation avec le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons personnellement être si indifférents à l'évangélisation, sachant que les gens qui nous entourent sont destinés à l'enfer, à moins qu'ils ne reçoivent le Seigneur Jésus comme sauveur personnel? Pourtant, nous affirmons que le Seigneur nous a confié une mission, soit l'évangélisation, et nous prétendons croire en toute la Bible. Nous avons une attitude d'indifférence et de suffisance, et il y a deux raisons principales à cela. Nous tenons pour acquis les bénédictions de Dieu et nous attachons trop d'importance à l'admiration et aux applaudissements des hommes. Une raison n'est pas plus admissible qu'une autre. Tenir pour acquis les bénédictions de Dieu et tirer notre gloire des hommes nous entraîne dans l'indifférence. Lorsque nous sombrons dans un tel état d'âme, nos relations avec les autres et Dieu se désensibilisent. Nous nous contentons de jouir égoïstement de la vie. Dans les deux premiers chapitres de la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul reproche aux Corinthiens de chercher la sagesse du monde plutôt que de s'attacher à celle qui vient de Dieu. Les chrétiens de Corinthe ont accepté les principes du monde et se sont laissés imprégner de ceux-ci au point qu'ils n'avaient plus d'influence dans leur communauté. Les chrétiens se comportaient comme les gens du monde au point que l'on pouvait difficilement les distinguer des non-croyants. Parce que les chrétiens de Corinthe étaient devenus indifférents, la population de la ville les acceptait. En effet, qui est parfait? Leur indifférence les avait conduits à faire des compromissions. L'indifférence engendre des compromissions. Avant de devenir indifférents, nous étions sensibles à Dieu et à sa volonté. Nous étions sensibles aux autres, à notre cœur et au péché. Cependant, lorsque nous tenons pour acquis les bénédictions de Dieu et que nous apprécions trop tirer notre gloire des hommes, nous devenons satisfaits de nous-mêmes. Lorsque nous apprécions être l'objet de l'admiration des autres, où aboutissons-nous? Nous ne voulons pas perdre leur admiration. Nous ne voulons pas interrompre les applaudissements. Nous ne voulons pas perdre cette gloire. Nous faisons donc des compromissions afin de demeurer l'objet de l'admiration des gens. Ce type de compromission étouffe efficacement la vie spirituelle d'une église. C'est ce qui se produisait à Corinthe. Écoutons maintenant ce que l'apôtre Paul dit. En décrivant l'église de Corinthe, Paul décrit nos églises. Il nous dit qu'à cause de notre prospérité et de notre influence, nous avons fait des compromissions et nous sommes devenus indifférents aux choses spirituelles. C'est l'état spirituel de nombreuses églises. C'est l'état spirituel de nombreux chrétiens. Il se passe tellement de bonnes choses que si nous ne sommes pas prudents, Satan nous en donne juste assez pour nous mettre dans un état de complaisance ou de satisfaction personnelle. Alors, Dieu doit nous tirer le tapis de sous les pieds pour nous réveiller ainsi que son Église. L'apôtre Paul indique aux Corinthiens leur état de complaisance. Ensuite, il compare leur état à celui des apôtres. Il dit, « Nous sommes fous à cause de Christ. » 1 Corinthiens 4, verset 10. C'est ainsi que le monde perçoit les chrétiens. Ils disent que le véritable christianisme est de la folie. En fait, Paul était un homme instruit et un politicien. Il l'a dit, il a tout rejeté afin de vivre pour le Seigneur Jésus. Eh bien, cela semble une folie du point de vue de nombreuses personnes. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 10, l'apôtre Paul a déclaré, « Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. » Dans ces versets, Paul dit que les apôtres sont condamnés. Fou, faible et méprisé, il ajoute. Notre mission nous amène à souffrir de la faim et de la soif. Nous sommes mal vêtus, nous subissons de la violence et nous sommes continuellement sur la route. Nous nous épuisons au travail. Le mot grec utilisé par Paul au verset 12 signifie s'épuiser physiquement en faisant des efforts. Au verset 12, Paul dit « Nous sommes insultés, mais nous répondons avec grâce. Nous subissons de la persécution, mais nous la supportons avec patience. » Lorsque Paul a été lapidé à Lystre, acte 14, verset 19, qu'a-t-il fait? Il avait été laissé pour mort, mais il s'était relevé, il avait secoué la poussière de ses vêtements, il avait pansé ses plaies, et le lendemain, il prêchait de nouveau Christ crucifié. Lorsque Paul et les apôtres étaient calomniés, ils réagissaient avec grâce et douceur. Paul a décrit ce qu'il subissait, mais les apôtres ne s'en plaignaient pas. « Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. » 1 Corinthiens 4, verset 13. Autrement dit, « Nous sommes rejetés partout où nous passons. » L'apôtre Paul dit qu'il ne se plaint pas. « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. » 1 Corinthiens 4, verset 14. Pourquoi Paul ne se plaint-il pas? Il savait que c'est ainsi que le monde le percevait. Cependant, Paul savait qu'il était un porte-parole de Dieu et un enfant de Dieu, qu'il s'était consacré à Jésus-Christ. Il ne désirait qu'une chose, que par sa vie, les gens voient qui était le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous le contraste? D'un côté, l'influence, la prospérité, les bonnes situations, le plaisir. De l'autre côté, des vêtements usés, la faim, la soif, le mépris, les critiques et la persécution. Être les rébus de la société ou les balayeurs du monde, c'est tout un contraste. C'est la vie chrétienne et le ministère auquel Dieu a appelé Paul. Paul s'est soumis à Dieu et à son appel et il a vécu victorieusement. C'est pour cela qu'il pouvait dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Dieu nous demande une chose, de lui faire confiance et de lui obéir. Il n'est pas intéressé par les acclamations, la louange, les propos futiles et les paroles qui ne sont que du vent. Il veut que nous parlions par nos actions. Il veut que nous parlions par l'obéissance de la foi en Jésus-Christ. Nous devons obéir à Dieu dans la situation où il nous a placés et avec ce dont il nous a équipés, dons, connaissances, richesses. Si Dieu vous a accordé des richesses, il vous les a accordées pour que vous les partagiez. Nous savons que plus vous partagez vos richesses, plus Dieu vous en donne. Vous donnez, vous recevez. Vous donnez, vous recevez. Vous donnez et vous recevez. Vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable pour cela. C'est ce que Dieu regarde. Ce n'est pas tant ce que vous possédez, mais ce que vous en faites. Que faites-vous avec ce que Dieu vous redonne? Si vous donnez et que Dieu vous redonne, si vous donnez et que Dieu vous redonne encore, vous n'avez pas à vous sentir coupable. Si Dieu accorde des richesses à une nation, il le fait afin qu'elle les partage avec le monde, entre autres en s'en servant pour proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. À l'inverse, voici ce que fait la suffisance ou une trop grande satisfaction de soi. Vous jouissez des bienfaits de Dieu, mais la suffisance vous amène à vous soucier de votre sécurité. Votre main se referme et vous retenez pour vous les bénédictions de Dieu. Puis, vous ouvrez votre main pour découvrir ce qu'il y reste, soit la cendre. Si vous voulez que le flot de bénédictions continue à couler, alors gardez votre main ouverte, puisque nous appartenons à Dieu et que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, nos biens appartiennent au Dieu Tout-Puissant. Tant que les enfants de Dieu posent leur regard sur Dieu et que leur cœur est porté vers les autres, Dieu les bénit matériellement et financièrement parce qu'il veut qu'ils soient une canalisation pour ses bénédictions. Permettez-moi de vous poser une question, mes amis. Qu'est-ce que vous donnez au nom du Seigneur Jésus? Saviez-vous que vous pouviez trébucher spirituellement en fréquentant des études bibliques? Dieu ne veut pas que vous accumuliez beaucoup de connaissances, que vous deveniez un expert, si ce n'est pas pour transmettre tout cela à d'autres. Vous devez devenir une source de bénédiction. Vous pouvez devenir trop imbu de vous-même, même dans une église vivante pour le Seigneur. Si vous ne versez pas les bénédictions que vous recevez dans la vie d'une autre personne. J'aimerais attirer votre attention sur quatre choses dans la dernière partie de ce chapitre. J'aimerais m'y arrêter brièvement, car nous avons un bel exemple à suivre pour faire face aux personnes indifférentes, mais aussi aux personnes qui ont d'autres types de problèmes. Examinons ces principes qui nous aideront à faire face à d'autres personnes. Premièrement, l'apôtre Paul a dit « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 14. Lorsque nous rencontrons des personnes trop imbues d'elles-mêmes, nous devons leur faire face et nous devons le faire avec amour et compassion. Nous ne sommes pas là pour les détruire. Nous ne devons pas les aborder avec une attitude qui dit que Dieu les rejette ou qu'il n'y a rien à faire avec elles. Ce n'est jamais le cas. Dieu n'abandonne jamais ses enfants et il ne baisse jamais les bras avant de nous avoir transformés à l'image de son Fils. Deuxièmement, observez ce verset. « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » 1 Corinthiens 4, le verset 16. En aucun cas est-ce que la Bible nous autorise à dire « Ne fais pas ce que je fais, mais fais ce que je te dis. » Relisons ce que l'apôtre Paul a dit. « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Si je veux vraiment aider une personne suffisante, je dois être un modèle à suivre. » Lorsque Paul invitait les gens à être ses imitateurs, il n'était pas un orgueilleux ou vantard. Il disait simplement « J'ai appris certaines choses. » Et je veux que tu délaisses ton attitude suffisante. » L'apôtre Paul ne parlait pas seulement de lui-même, mais aussi des autres hommes pieux qui lui avaient prêché la parole, qui lui avaient enseigné. En les incitant à être ses imitateurs, Paul leur disait qu'il existait un modèle à suivre. Nous avons tous rencontré des chrétiens dont la vie et l'exemple nous ont parlé et nous ont encouragés à vouloir grandir spirituellement, en étant plus disciplinés, en devenant plus zélés et en priant et en étudiant la parole davantage. Paul a donc dit « Soyez mes imitateurs ». Aussi, lorsque nous voulons exhorter une personne, faisons-le avec compassion et amour et assurons-nous d'être un exemple à suivre. En fait, la Bible ne nous autorise pas à reprendre une personne si nous ne le faisons pas avec amour et compassion. Troisièmement, revenons au verset 14 où l'apôtre Paul disait « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » Paul respecte la liberté des chrétiens. Il ne veut pas les obliger à faire quoi que ce soit. Il leur donne un avertissement, mais il n'impose pas sa volonté. Il avertit les Corinthiens au sujet de leur complaisance. Souvent, lorsque nous voulons exhorter un frère ou une sœur dans la foi, nous lui dictons sa conduite. « Tu dois faire ceci, faire cela, et n'oublie pas ceci. » Mes amis, ce n'est pas la façon de procéder. Paul nous encourage à leur donner suffisamment de liberté afin que Dieu puisse travailler dans leur vie et les tirer du mauvais état dans lequel ils se trouvent. Quatrièmement, au verset 18, Paul a dit « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. » 1 Corinthiens 4, verset 18. Paul était une personne d'autorité dans l'Église, et des Corinthiens arrogants affirmaient que Paul ne viendrait pas les revoir. Cependant, Paul leur dit « Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » 1 Corinthiens 4, les versets 19 et 20. Voici, en résumé, ce que nous conseille Paul. Lorsque nous faisons face à une personne et que nous l'exhortons, ne le faisons pas avec des paroles seulement, mais aussi avec la puissance du Saint-Esprit. Faisons-le avec amour et compassion. Laissons-lui la liberté d'agir ou non. Encourageons-la, mais affrontons-la honnêtement, sérieusement et sincèrement au sujet de sa relation avec Jésus-Christ. Disons-lui quelque chose à cet effet. Peux-tu vraiment et honnêtement être satisfait de tout ce que Dieu a fait dans ta vie alors qu'il y a des besoins à combler et que tu as l'habileté, le talent et les ressources pour le faire? Vous vous demandez peut-être ce que Dieu pense des chrétiens qui sont suffisants et des églises qui se complaisent en elles-mêmes? Nous trouvons la réponse à cette question dans l'Apocalypse. Dans le premier chapitre du livre, nous apprenons que l'apôtre Jean a entendu une voix et il s'est retourné pour voir ce qui se passait. Lisons à partir du verset 12. « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ce personnage est le Seigneur Jésus-Christ. Voyons maintenant ce qu'il dit au sujet de la suffisance d'une église. Tournez la page au chapitre 3 de l'Apocalypse. Nous lisons à partir du verset 15. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? » Jésus dit à cette église qu'elle n'est pas utile, car elle n'est ni froide ni bouillante. Cette Église a fait des compromissions et elle a besoin de raviver son amour pour le Seigneur. Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. En d'autres mots, Jésus leur dit, tu as fait des compromissions. Tu as un pied dans l'Église et l'autre dans le monde. Tu n'es pas noir, tu n'es pas blanche, mais tu es grise, tu es détestable. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. L'Église de Corinthe pensait exactement de cette façon. Elle pensait n'avoir besoin de rien. Le Seigneur Jésus termine avec l'avertissement du verset 19. Moi, Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Permettez-moi de vous poser une question. Soyons très honnêtes pendant un moment. Je ne vous demande pas si vous pratiquez une religion ou si vous fréquentez l'Église le dimanche. Je vous parle d'une véritable consécration, d'un véritable engagement vers le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il a la première place dans votre vie? Est-ce que sa volonté est aussi votre volonté? Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Votre cœur est-il porté vers lui? La personne la plus importante dans votre vie est le Seigneur Jésus? Le principe qui devrait guider votre vie est l'obéissance à Dieu. Si être chaud consiste à avoir un désir ardent d'obéir à Dieu et de marcher par la foi, de le laisser vous enseigner et de le servir, et si être froid consiste à vivre en fidèle serviteur du diable 24 heures par jour, diriez-vous que vous êtes chaud, froid ou tiède? Que dit le Seigneur Jésus exactement? Être tiède, c'est avoir un pied dans l'Église et un autre dans le monde. C'est se comporter comme les gens du monde, rechercher l'admiration du monde et les applaudissements des hommes. C'est être très satisfait de soi. Dieu dit que ce n'est pas cela qu'il désire de ses enfants. Aux yeux de Dieu, être tiède est tellement nauséabond qu'il vomit de sa bouche ceux qui le sont. Apocalypse 3, verset 16. Vous rendez-vous compte de ce que le Seigneur Jésus dit? Malgré les bénédictions de Dieu, nous pouvons nous laisser aveugler par les applaudissements des hommes. Dieu nous aime de son amour infini. En effet, le Seigneur a dit, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Apocalypse 3, verset 19. Dieu a choisi de nous aimer et il ne cesse pas de nous aimer parce qu'il n'aime pas nos actions et nos attitudes. Le fait qu'il vomit ceux qui sont tièdes ne signifie pas que Dieu les rejette. Cela signifie que nous attristons le Seigneur Jésus avec nos actions et nos attitudes non conformes à sa volonté. En disant « Je te vomirai de ma bouche », le Seigneur Jésus nous dit qu'il est très attristé que nous lui rendions si peu en retour de tout ce qu'il a fait pour nous. Mes amis, écoutez ceci. En ce qui concerne la vie chrétienne, faites une des deux choses. Soit vous rangez votre Bible dans un placard et vous oubliez toute cette histoire de vie chrétienne. Soit vous vous soumettez entièrement à Jésus-Christ et vous acceptez de le suivre partout où il vous dirigera. La tiédeur se trouve entre ces deux extrêmes et elle peine le Seigneur Jésus. À partir de maintenant, suite à votre décision, vous pouvez maintenant changer cette peine en joie. À vous de décider. Soit que le Seigneur demeure en peine à votre sujet ou qu'il soit rempli de joie. Suivre le Seigneur Jésus exige que nous soyons radicaux dans notre engagement. Nous devons penser à lui plutôt qu'à nous et nous devons adopter la sagesse divine comme guide plutôt que la sagesse du monde. Est-ce que vous avez permis à Dieu de vous tirer de votre confort quotidien? Dieu veille sur ceux qui s'engagent à le suivre. Le psaume 25, versets 10 à 14 nous dit « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. De plus, dans l'émission, Charles Stanley nous a expliqué que nous devons exhorter nos frères et nos sœurs avec amour et compassion. Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour effacer nos péchés. Dieu nous transforme à l'image de son Fils. Dieu agit pour notre bien. Lorsque nous exhortons un frère ou une sœur, nous devons avoir les mêmes motifs que Dieu. Sinon, nous ne pouvons pas prétendre agir selon la volonté de Dieu. Autrement dit, si nous n'avons pas en vue le bien et la croissance spirituelle de notre frère ou de notre sœur, taisons-nous. Comme nous l'enseigne Galates chapitre 6, verset 1, « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Être spirituel, ce n'est pas se penser spirituel, ce n'est pas se penser supérieur aux autres, c'est avoir les pensées et les motifs de Dieu. Charles Stanley nous a rappelé que le Seigneur Jésus reprend et châtie tous ceux qu'il aime. Le Seigneur Jésus agit toujours pour le bien des siens, et si nous sommes un instrument choisi par Dieu pour reprendre un frère ou une sœur, nous aurons les mêmes motifs. Si nous croyons qu'une personne est irrécupérable, soyons certains que Dieu ne nous demande pas de l'exhorter. Or, personne n'est irrécupérable, car Dieu transforme les cœurs à l'image de son Fils par sa puissance et par son Saint-Esprit. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nous racheter et rien ne peut nous séparer de son amour, comme nous le voyons dans Romains chapitre 8, 34 à 39. Si nous agissons par colère ou orgueil, avec un sentiment de supériorité pour protéger la réputation de l'Église, nous n'avons pas les pensées de Dieu. Un frère, qui a plusieurs années de vie chrétienne derrière lui, m'a dit qu'il a vu de nombreux cas de discipline au cours de sa vie, mais seulement deux ont été véritablement faits par amour pour le fautif. Les autres ont été faits sous l'effet de la colère par des chrétiens blessés dans leur orgueil ou divisés entre eux. En fait, ces cas de discipline, plutôt que d'unir et d'affermir l'Église, l'ont divisé. La colère et l'amertume ne sont jamais des fruits de l'esprit. Si vous voyez une personne sous l'emprise de l'amertume et de la rancœur, un drapeau rouge devrait s'élever en guise d'avertissement. Cela ne vient pas de Dieu. N'oublions pas que pour ne pas tomber dans la complaisance, notre cœur doit demeurer chaud pour le Seigneur. Tout ce qui n'est pas le fruit d'un cœur qui aime Dieu n'est pas agréable à Dieu. Si nous nous refroidissons, nous ne tenons pas pour acquis les bénédictions de Dieu. Par contre, si nous cherchons à plaire aux hommes, attendons-nous à ce que ces applaudissements soient notre seule récompense. À quoi nous servira d'avoir été applaudis par des hommes? Nous aurons échangé des récompenses éternelles pour des récompenses éphémères. Cherchez-vous à mieux connaître Jésus-Christ, qui offre encore aujourd'hui son amour éternel à ceux qui viennent à lui? Les enseignements du Dr Stanley ont-ils suscité en vous des questions, mais vous ne savez pas où trouver des réponses? Radio Espoir est à votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre en téléphonant au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou venez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.